Devant Paris, je prends la pause. 100 grammes de weed, c'est la dose. À part, je t'ai vu sur la côte. J'attends que ça scène pas autre chose. Que Dieu bénisse du Samictose. Je suis avec joueur NBA, défenseur de l'année, yes. Je vous laisse entre youtubeurs et négues. Que je fais chaque jour, moi je m'en fume et j'ai l'air. Chômeur, ce que j'ai toujours rêvé d'être. Je sais que mon délire n'est pas commun. Pourtant, je l'ai fait, je sais pas comment. Sur internet, tu vas Kuma. Je m'empêche de rire, je te vois comme un trou balle au McDo, prends ma commande. Arrête de parler, je suis pas reçu de nez. Barreau dans l'allée comme des clés condamnés. Faut pas parler, faut le faire. Faut du flow et faut le tête. Abule comme Curry, vont le faire. Ouais, j'ai carré, ouais, que deux sont tarés. J'ai l'impression de perdre, j'préfère nager, brasser trop de sel. J'veux en fier, l'ami fout la merde avant que j'meurs. Faire du bif pour une tasse, préfère une balle dans le cœur. Contrôle positif, c'est con, j'suis pas le chauffeur. J'connais pas le DJ, mais mon son tape dans le cœur. Il en faut peu pour être bien. Des photos, ouais, pas des points. Il en faut plein pour être bien. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Il en faut peu pour être bien. Des potos, ouais, pas des points. Il en faut plein pour être mieux. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts, des billets jaunes. J'ai enfanté des milliers de clones. J'file la. J'allume un terre, j'quitte la terre. J'suis dans ma zone, j'suis endetté, ils sont endettés. Wow, j'permets des distances de fou. 450 CRF contre leur VTT. Gros, j'ai déjà lancé des mouvements de foule. Oui, je flex dans le Merco, pleine sur Hollywood Boulevard. Tu rêverais de me voir tomber, donc j'joue des coups de pourvoir. Si les bougas mécontés sont pas contents, tu seras vite au courant si t'es pété, tu fous le camp. Faut rentabiliser le salaire de mes comptables. De pélo, fais grimper le montant. J'veux en fier, l'ami fou, la merde avant que j'meurs. Faire du bif pour une tasse, prêt, faire une balle dans le cœur. Contrôle positif, c'est con, j'suis pas le chauffeur. J'connais pas le DJ, mais mon son tape dans le cœur. Il en faut peu pour être bien. Des potos, ouais, pas des points. Il en faut plein pour être bleu. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Il en faut peu pour être bien. Des potos, ouais, pas des points. Il en faut plein pour être mieux. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf. Des billets verts comme la bœuf.